franceinter.fr. Alain Mimoun, je suis heureux de vous accueillir car il est bon de recevoir un champion. Il n'est pas besoin de dire un grand champion, un champion simplement. Pour vous présenter peut-être, pourrais-je emprunter à ce que vous disiez vous-même. J'ai lu en effet ce matin ces phrases, c'est vous qui parlez Alain Mimoun. Je suis un bon exemple et maintenant je ne peux servir qu'à ça. Apprendre aux jeunes tout ce que j'ai appris sur ma carcasse. Alors qu'avez-vous appris ? J'ai appris, moi, je crois, depuis l'âge de l'âge scolaire, j'ai appris. Et j'apprends toujours. Et on dit qu'il n'y a que les imbéciles qui n'apprennent plus. Moi, j'apprends toujours à mon âge. J'apprends même sur plus jeunes que moi. J'ai cette expérience de la vie. J'ai été un fils de gens, de petits cultivateurs. Algérien. Je suis né dans le sud oranais, c'est-à-dire à 50 km au sud de Sidi Blabès. C'est Algérie que vous racontez, que vous retrouvez, parce que je vois qu'il y a dans votre voix toutes les images de cette enfance. C'est Algérie. Vous l'avez revue, vous voudriez la retrouver? Écoutez-moi, Monsieur Chancel, je suis content de vous dire ceci. Je suis né en Algérie, j'ai été à l'école. Ma pauvre mère s'est sacrifiée. Parce que, vous savez, elle a eu faim souvent pour pouvoir m'envoyer à l'école. Nous étions 5 enfants, j'étais l'aîné, j'étais un garçon. Vous savez que là-bas, ils sont très fiers d'avoir un garçon. Alors, ma mère, qui est encore en vie, voulait absolument que son aîné soit lettré. Parce qu'elle avait, une petite idée derrière la tête. Parce que, figurez-vous, m'avait raconté que, bien longtemps après, quand elle était toute jeune, elle était enceinte de quelques mois de moi, elle avait rêvé, elle fait un rêve formidable. Et le rêve, c'était la nuit, elle se promenait dehors, c'était en pleine lune, il y avait une très belle, c'était la pleine lune. Puis elle regardait cette lune qui était très belle, tout à coup cette lune descendait, se rapprochait d'elle, mais grandeur, comme on la voit, vous voyez là, bien sûr par la grosseur de la lune. Et ma mère était curieuse de voir cette lune qui venait vers elle, et vous savez que là-bas, elle porte des voiles. Alors, elle a levé son voile comme ça, et puis elle a ramassé la lune, et à ce moment-là, elle s'est réveillée. Alors, ma pauvre mère, elle n'a pas dormi, elle tremblait, tout ça, et le lendemain matin, elle a été voir, vous savez, il y a des vieilles bonnes femmes là-bas qui expliquent ce que c'est que le rêve. Alors cette vieille, il a touché le ventre, il dit, tu sais ma fille, eh bien dans ton ventre, t'as un garçon. Et il deviendra sûrement quelque chose dans la vie. Alors, dans le cerveau de ma mère, ça a été incrusté. Si ton naissance c'était un garçon, elle était folle de joie. Elle s'est dit, celui-là, il faut que... Qu'il devienne quelqu'un. Oui, il faut que je l'envoie à l'école. Et son idée, je l'ai su par la suite... C'était que je devienne instituteur. Parce que là-bas, vous savez, même remarquez même en France, dans la campagne, un instituteur, c'est quelqu'un. D'accord. Alors elle m'a envoyé à l'école. J'étais un très bon élève. Et puis, à 11 ans et demi, j'ai passé le certificat d'études avec mention bien. C'était quelque chose de formidable. Mais alors, comme nous étions très pauvres, au moment de demander la bourse, on me l'a refusée. Alors ça, c'est la première injustice de ma jeune vie. On m'a refusé alors qu'on l'a donné, je me rappelle, on l'a donné à des colons qui étaient beaucoup plus riches que nous, qui allaient faire ingénieur, faire docteur et tout ça, et moi, le pauvre gars, là, celui-là, c'est pas la peine, on l'a refusé. Alors j'étais obligé d'arrêter, Alors ma mère était déçue, elle ne l'avait pas dit, mais elle était déçue. J'étais obligé, puis j'étais obligé d'arrêter pour travailler, pour aider ma mère. Oui, mais c'est le destin, ça, Alain Mimoun. Car si vous aviez peut-être fait des études... Mais monsieur Chancel, justement, je poursuis, parce que ma vie est jalonnée de destin. Elle est jalonnée de destin. Bon, j'ai travaillé, j'ai commencé à travailler, mais j'oublie pas en passant de vous dire que à l'école, vous savez, nous avions, c'est pas pareil maintenant, nous avions les livres de géographie, et je voyais la France, ce pays qui m'attirait comme un aimant déjà tout petit. Les vaches dans les champs, vous savez, le truc, je me disais toujours, et à ce moment-là, j'étais un petit peu, vous voyez, c'était l'aventure, mais c'était la France. Qu'est-ce que c'est que ce pays, que je voudrais aller voir ce pays-là? Parce que, déjà, à ce moment-là, vous voyez, comme j'étais quand même un petit peu avancé, je voyais qu'il y avait trop d'injustices dans ce pays-là-bas. Je voulais pas rester. Je voulais pas. Moi, mon pays mère, pour moi, c'était déjà la France. Je voulais le connaître. Mais comment aller là-bas? C'est qu'il y avait la mer Méditerranée, pour moi, c'était... C'était immense. C'était sans fin. Hein. Moi, maintenant, j'ai jalonné le monde entier. Il me semble que c'est rien, mais à ce moment-là, c'était quelque chose. Vous aviez quel âge à ce moment-là? Eh bien, je vous dis, à l'âge scolaire, j'étais à l'école. Je pensais à ça en regardant la géographie, tout ça. Mais moi, j'avais un secret. Je dis, c'est soldat. Soldat, je la verrai, cette France. Alors, j'ai travaillé jusqu'à l'âge de 17 ans et demi. Même, je vous dirais que j'ai travaillé dans une belle quincaillerie. À 16 ans, je commandais des gars de 18 ans. Vous voyez, le patron, c'était un... Je ne sais même pas si c'est un monsieur de votre pays là-bas. Il s'appelait Catala. Et je suis sûr qu'il était du côté de Bayonne, dans ce coin là-bas. Il m'avait pris en affection. Il n'avait pas d'enfant. Mais vous voyez, ce gars-là, il dit, c'est formidable, il est dégourdi. Hein. Et je vous dis, à 16 ans, je commandais des gars de 18 ans. Je travaillais très bien. Mais moi, j'avais toujours ma petite idée. Hein. Je dis, je vais travailler là, mais... Hein. Mon espoir, je sais où il est. Et alors, le patron qui était très gentil pour moi... Vous voyez, à 16 ans, je remuais des fûts d'huile de 200 litres. Parce que ce moment-là, vous savez, les fûts d'huile, tout ça, parce que la quincaillerie vendait de l'huile, vendait de l'essence, etc. Vous pesiez combien à ce moment-là? Parce qu'aujourd'hui, vous pesez 57 kilos à 52 ans. Ah oui, c'est mon poids de forme actuellement. Ouais. Si je me laisse aller, je prends 4-5 kilos tout de suite. Ouais. Mais là, vous savez... C'était le même poids à 18 ans, non? 18 ans, j'étais plus mince quand même encore. Je vous dirais... Je mangeais pas à ma faim, alors vous voyez. Alors le patron voyait bien que je remuais ces fûts d'huile, que j'étais déjà volontaire, me dit, mon petit, tu vas manger avec moi, chez moi. Ah, je dis, non, je vais pas laisser ma mère, M. Catala. Si, pour le boulot que tu fais, j'irai voir ta mère, tu mangeras chez moi. Eh bien, ce monsieur, je mangeais à table avec sa femme, il n'avait pas d'enfant. Eh bien, la bonne ne mangeait pas à table, moi je mangeais à table avec lui. Et vous avez reconnu? C'est un très grand monsieur qui a reconnu, je pense, qui a reconnu la valeur, le travail que je lui rendais. Alain Mimoun, à l'instant, vous parliez d'injustice, cette première injustice, c'est-à-dire cette bourse qui vous a été interdite, qui vous a été refusée. En fait, pour vous, l'ingratitude a toujours été le meilleur des dopings. C'était même un doping virulent, vous voyez, c'est fantastique. Plus, quand on me donnait un coup de poing, j'en rendais 6. Ça a été toute ma vie, ça. Encore maintenant? Je me suis calmé parce que j'ai pris de l'âge. Et puis, autre chose qui m'a calmé, j'ai une famille. Vous voyez? Quand ça ne va pas, je suis électrique, je pense à ma fille et ma femme. Alors, hop, ça me... Vraiment, je suis complètement dégonflé, vous voyez? Tout à l'heure, vous avez très bien parlé de la France, cette France que vous imaginiez, que vous voyez en carte postale. Alors, vous y êtes arrivé comment dans cette France? Alors, vous voyez, c'est moi, j'ai travaillé jusqu'à l'âge de 17 ans et demi, puis patatrac, déclaration de la guerre. Oh là, tout de suite, je me suis dit, ça y est, c'est ça. Vous voyez? Content. Content, parce que, vous voyez, je suis engagé volontaire, sitôt la déclaration de la guerre... Presque beaucoup plus pour connaître la mère patrie que pour la défendre. Vous voyez que je suis sincère. Hein. C'est beau. Puis par la suite, je l'ai défendu jusqu'à la fin. Mais je vous dis, le premier choc, ça a été ça. C'est de taille, c'est je vais m'engager. Et il me manquait 3 mois pour faire 18 ans. Ils m'ont pris quand même, parce que c'était la guerre. J'ai fait 3 mois de classe à Tlemcen et débarquement. J'ai débarqué en France, et la campagne de France, parce que beaucoup de gens parlent de Mimoun, le franc d'Italie, mais ne pensent pas à autre chose. Mais moi, je suis... On parle toujours de Monte Cassino. Monte Cassino. Mais c'est que... Je m'excuse, M. Chancel, c'est que... Comme on dit vulgairement, je me suis tapé toute la guerre. Alors, je suis parti, sitôt j'ai fait le front belge. J'ai fait 9 mois de frontière belge et puis la débâcle. Après, j'ai fait la débâcle comme tout le monde. Et je ne courais pas à pied, on a fait la débâcle en camion. Pour monter au front, on nous avait donné des voitures toutes réquisitionnées. Et pour se sauver, on nous a donné des camions tout neufs. Vous aviez 18 ans et vous ne couriez pas? Non, je ne courais pas. Et c'est cette France que j'aime tant, dans cette France que j'ai eu le goût de la course à pied. Je vais y venir. Alors, je fais la débâcle jusqu'à Versailles. À Versailles, reformé dans une nouvelle compagnie et se sauver pour ne pas être prisonnier. Je passe la Loire entre Nantes et Saint-Nazaire avec la moitié de la compagnie parce que l'autre moitié était faite prisonnière. Et j'atterris à Longuarons, que vous connaissez peut-être. On a passé la nuit et puis Longuarons en occupait. Il fallait se sauver tout de suite. Et j'étais atterrir à Montpellier avec la moitié de la compagnie. Et Montpellier, nous sommes restés un mois là. Et tous les copains étaient démobilisés parce que c'était tous des réservistes. Et j'étais le seul nord-africain et le seul de l'active. Alors, je ne pouvais pas être démobilisé, j'étais de l'active. Et je ne tenais pas à être démobilisé. Parce que je n'avais pas les prétentions d'aller à Londres, mais dans mon fort intérieur, j'avais les prétentions de continuer. Alors, on m'envoie à Bourg-en-Bresse. À Bourg-en-Bresse, je suis resté 6 mois, parce que comme j'étais télégraphiste à ce moment-là, on arrangeait les lignes cassées, tout ça, etc. Et c'était un jour, en quartier libre, et je passe devant un stade, et je vois des gars qui couraient là. Vous n'aviez jamais vu ça? Ah non, j'étais un très bon sportif, je jouais au football. À 12 ans, j'étais un bon loustique, déjà j'étais capitaine d'équipe déjà. J'ai fait du vélo, à 15 ans, je battais des gars de 18-20 ans, dans les fêtes de village, 14 juillet, etc. Mais la course à pied, je savais pas ce que c'était. Vous savez, en Algérie, la course à pied, à ce moment-là, c'était surtout dans les montagnes. Hein. Alors, en passant devant ce stade, j'étais avec un copain de la métropole. Je me rappelle encore de son nom. S'il m'entend, il s'appelait Thomasé. J'ai dit, dis donc, viens voir. Je vais faire un tour, là. Et puis, avec nos habits, avec des grosses godasses, vous savez, tout ça. Et je dis, oh, alors, on est là, accoudé à la balustrade. Et je dis au copain, tu parais que je vais courir avec eux. Et moi, je rentre comme un jeune chien, là. Et je commence à courir. Avec les gars, là. Oh là là, je vois un vieux monsieur trapu avec une barbe, là. Hé là, soldat, qui me dit. Moi, je me retourne, je m'arrête. Je salue. C'était un civil, mais je le saluais quand même. C'était un brave vieux, là. Il me dit, dis donc, soldat, mais tu te rends compte? Moi, je soigne ma piste, tu es en train de me lasquinter avec tes godasses, qui me dit comme ça. Ah, je dis, monsieur, j'ai rien, moi. Mais tu aimes courir? Ah, je voudrais bien, moi. Vous voyez, je suis en quartier libre, j'ai rien à faire. Vous savez, j'aime bien le sport, hein. J'aimerais bien courir. Mais viens, je vais te prêter des chaussons. Je me rappelle, il m'avait prêté des chaussures de tennis. Et il me dit, vas-y, avec mes pantalons militaires et tout. Et je commençais à courir. Mais c'est que je ne m'arrêtais pas. Les autres étaient essoufflés. Moi, je continuais. Puis le brave vieux qui était là, et puis il me regardait comme ça. Puis à la fin, il vient lui-même, il m'arrête. Oh, dis donc, qu'est-ce que... Tu transpires? Tu es trop habillé comme ça. Ah, je dis, monsieur, mais j'ai rien, moi. Mais dis donc, mais tu es bon. Ah, je sais pas, monsieur, mais moi j'aime ça. Je dis, c'est tout. Je sais pas si je suis bon, mais j'aime ça. Il dit, mais si tu veux venir t'entraîner, je vais me débrouiller. Je te prêterai une culotte, puis un maillot, tout ça, et tu viendras. Tu sais, les gars, ils seront bien contents d'être avec toi. Vous voyez, ça commençait déjà à mes débuts. Je commençais à intéresser déjà. Bon, alors, ce monsieur, qui s'appelait Monsieur Villard, m'a invité donc à venir. Alors moi, je lui dis, monsieur... Ça vous dérange pas que je vous raconte cette petite histoire? Pas du tout, vous êtes là pour ça. Alors, il me dit, mon petit, mais tu sais, c'est ça, tu me ferais plaisir de revenir. Mais je dis, monsieur, mais si vous serez, voyez, vous serez bien gentil si vous pouviez demander l'autorisation à mon lieutenant, là, faire un petit papier. Oh, il me dit, mais c'est d'accord, je le connais d'ailleurs. Mais le lendemain, le lieutenant, il me voit, il me dit, dites donc, mais il paraît que tu cours bien. Ah, je dis, je sais pas, mon lieutenant, moi j'ai fait un petit essai, là. Vous savez, moi, j'aime ça. Alors, si... Il me dit, à partir de maintenant, tu peux sortir tous les soirs. Et à ce moment-là, pendant un mois, je me suis entraîné avec M. Villard 3 fois par jour, par semaine. Pas tous les jours comme maintenant. 3 fois par semaine, je me rappelle. Et au bout d'un mois, les championnats du département de l'Ain. C'était en plein été, là, les championnats du département de l'Ain. Alors M. Villard, il me dit, tu sais, mon petit, si tu me ferais un grand plaisir pendant ces championnats, comme tu n'as pas le droit de courir avec les autres, comme tu n'es pas licencié, tu es un soldat, et tu n'es que de passage. J'aimerais bien que tu me fasses une petite exhibition, là. Parce que j'aime bien ta foulée, puis je suis sûr que le public, hein, étant donné que tu es un combattant, ça va leur plaire. Et je dis, monsieur Villard, comment tout seul? Ah oui, une exhibition. Oh, je dis, monsieur Villard, moi, ça me plaît pas, ça. Ah, je peux pas. Tout seul, moi, courir tout seul, moi. Moi, j'aime bien courir contre les autres. Vous voyez, à ce moment-là, j'avais déjà le vice de la compétition. Hein, vous voyez, c'est, hein, je voulais pas courir tout seul. Gagner. Gagner, mais gagner ou pas gagner, je voulais me frotter contre les autres. Là. Je voulais savoir ce que je valais. Pourtant, j'avais qu'un mois d'entraînement, monsieur Chancel, vous voyez. Alors, il me dit, tu sais, mon petit, c'est pas possible. Il a été un petit peu parlementé avec les gars de la Ligue. Et comme ces gars-là devaient être intelligents, ils lui ont dit, oui, sûrement, ils lui ont dit, mais ce petit gars-là, c'est un combattant, il n'y a qu'à le laisser courir hors concours. Il compte pas pour le championnat, mais il a qu'à se mettre avec les gars et il va pas les gêner, surtout un championnat départemental, hein, c'est pas grave. Alors il vient me le dire. Oh là là, j'étais heureux, moi j'étais... Ah, oh, j'étais content comme un gosse pour la Noël, vous savez, quand on lui donne un joujou. Là, alors, bon, départ. C'était un 1500 mètres. Vous vous rendez compte, un 1500 mètres, pour moi, c'est zéro, quoi. C'est une petite distance, moi qui ai un coureur de longue distance. Alors je prends le départ. Et puis j'avais demandé aux petits copains du club, hein, qui c'est le crack, là. Ils m'ont dit, c'est le grand, là. C'est le grand qui a le maillot blanc, là. Alors moi, je l'ai repéré. Hein. Et tac, le coup de pistolet. Dès le coup de pistolet, on était à peu près une quinzaine. Dès le coup de pistolet, paf, ils ont pris un départ foudroyant, tout ça. Moi, je zigzag, je mets derrière le grand, parce que j'avais visé le grand. Et le grand, naturellement, c'est lui qui menait. Hein. Et j'étais en seconde position. Et le type, il accélère, et ceci. Et puis alors, il avait lâché tout le monde. Et à un moment donné, alors, il se retournait, il entendait des petits pas derrière. Il se retournait, il voyait ce petit Bruno là qui est derrière lui. Il dit, qu'est-ce que c'est que ce phénomène-là? Il fout un coup de boutoir encore. Et tac, je lui colle. Alors il crée une mouche qui était collée. Ah, c'était formidable. Et vous avez gagné. Attendez. Et alors le type sur la ligne droite, il va. Et alors le public. Écoutez, il y avait plus de public que maintenant à Colombes. Je vous assure, il y avait au moins 3000 personnes. Alors c'était fantastique pour un petit championnat. Et vas-y. Et le tipi. Et la ligne droite. Et la ligne droite, il a donné ce que j'avais, j'étais toujours derrière. Et à ce moment-là, déjà, j'avais l'intuition et j'avais le flair de l'athlète. Hein. J'avais le flair, là. Je sentais qu'il pouvait plus aller. Tac, à 50 mètres, je l'ai déposé. Et je gagne. Oh, malheur, si vous voyez cette ovation. Oh là là là. Oh, c'était fantastique. Le public, on aurait cru les Jeux Olympiques. Alain Mimoun, quel est le meilleur souvenir, alors? C'est cette course-là ou c'est le marathon de Melbourne? Écoutez, je vous assure qu'elles sont presque dans mon cœur, presque égales, parce que, monsieur Chancel, je casse pas le fil, je continue. Alors, monsieur Villard, il m'attrape il me serre dans ses bras, mon petit, puis il me frotte ses moustaches, comme ça. Oh, je suis content, tout ça. Il me dit, t'as vu, les gars? T'as pas entendu, il y a des gars qui pariaient sur toi au départ, ils composent sur les chevaux, ils disaient, moi je parie sur le brun, Alors il dit, mais formidable, il m'emmène à la... Il y avait une toile de tente, vous savez, parce qu'il n'y avait pas de vestiaire, c'était un petit stade. Et alors, il m'emmène là-bas, il me dit, très bien, repose-toi, il commence à me masser, tout ça. Et moi, c'est comme si j'avais rien fait. Il me dit, t'es pas essoufflé, il me prend mon pouls comme ça, il me dit, c'est formidable. Il me dit, oui, je dis, oui, monsieur Villard, mais maintenant, monsieur Villard, vous voyez, ils ont été gentils avec moi. Si vous voulez, je leur fais une exhibition sur 5000, je leur dis. Je me dis, tu es fou, tu viens de faire un 1500, c'est pas possible. Ah, monsieur Villard, faites-moi. Mais je dis à condition, mais je vous demande une condition, que si vous mettez les gars du club, que chacun court un 400 mètres et l'autre se relaye avec moi. Eh bien, j'ai couru mon premier 5000 en moins de 17 minutes après le 1500, monsieur. Que j'avais couru en 4 minutes 22, mon premier 1500 de ma vie. J'ai couru, moi. Vous étiez quand même un homme à part. Ça n'arrive pas souvent. Non, mais ça n'arrive pas souvent, mais c'est là que je me suis révélé en moi-même, vous voyez. Non, mais c'est chez vous, c'est l'école de la volonté, je dirais même l'école de la bonne volonté. Oui, c'est la volonté. Remarquez, la volonté, c'est un don du ciel aussi, je crois. On ne peut pas l'acheter, on ne peut pas l'acquérir, je ne crois pas. Et la volonté... Il faut la cultiver, en tout cas. C'est inné, c'est quelque chose qui est en nous. C'est pire que l'intelligence. Oui, l'intelligence, vous ne pouvez pas l'acheter, il n'y a rien à faire, ça. C'est le bon Dieu, moi je dis le bon Dieu parce que je suis croyant, c'est Dieu qui la donne. Alors on parle d'égalité, mais il y a une grande inégalité, c'est l'inégalité des esprits, c'est vrai. Et le bon Dieu nous donne cette égalité, c'est ça, l'esprit, enfin l'intelligence, la volonté et la santé. Ça, quoique la santé, on peut la détruire, si on veut. Mais enfin, l'intelligence aussi. Donc, mais ce que nous donne Dieu vraiment, que c'est la justice divine, c'est l'intelligence, la volonté, hein, et la mort. Mais vous n'avez pas à en vouloir à la vie, elle vous a donné beaucoup pas. De choses. Oh là là, oh là, loin de là, puisque je vous dis que je suis béni, et je suis sûr que je suis béni. Pourtant, on parle souvent d'ingratitude, il y a eu des injustices, pourquoi? Vous n'avez pas toujours été compris, mais la presse vous a souvent compris. L'ingratitude, c'était plutôt de l'envie et de la jalousie, voyez, en ce qui me concerne. De vilaines maladies. De maladies, c'est pire que le cancer, voyez, ces maladies. L'envie, la jalousie, la jalousie surtout. Remarquez, si on est jaloux de vous, Monsieur Chancel, il ne faut pas vous en faire. Parce que si on est jaloux de vous, c'est parce que vous êtes plus fort. On n'est pas jaloux d'un minable. On est jaloux que de plus fort que soi... Ou de quelqu'un qu'on en craint qu'il devienne quelque chose. Vous voyez, dans la vie, on est jaloux de lui. Ça, il n'y a rien à faire. Et ça, et les jaloux, c'est une maladie, vous ne pouvez pas les guérir, ça non plus. Mais vous l'avez senti, vous l'avez ressenti, cette jalousie? Oui, je l'ai ressenti, c'est tout le long. Vous êtes marié depuis combien de temps, Alain Mimoun? Je suis marié depuis un peu plus de 17 ans. Votre femme a connu Melbourne, vous avez vu gagnant. Oui, C'était presque un cadeau de mariage, à quelque chose près. C'est un cadeau de mariage? Et c'est une bénédiction, et c'est encore je mets ça sur le compte du destin. Vous connaissez toute ma carrière, l'année de mon mariage, c'est le grand cru, c'est la plus belle année de ma carrière. Et cette femme m'a porté chance, et parce que, figurez-vous, que j'ai été très malade, j'ai été 3 fois médaillé olympique. Ma première médaille, c'était à Londres, 1948. Médaille d'argent. Médaille d'argent, s'il vous plaît, 1 an et demi après ma démobilisation. Hein, ça vous dit quelque chose? J'ai été champion de France 1 an après ma démobilisation, champion de France. Et 1 an et demi après, j'ai été médaillé olympique. 4 ans après, 2 médailles olympiques à Helsinki. 1952, 1953, 1954, je tombe malade, gravement malade. J'ai été 3 fois médaillé olympique, j'avais enlevé le cross des nations 3 fois. Alors, les journalistes, fantastique, Mimoun, belle carrière, mais enfin, c'est fini. 9 mois d'inaction, j'ai grossi de 9 kilos. Alors, vous voyez qu'on grossit, nous, aussi vite. Hein. Et j'étais désespéré. Mais j'avais toujours un espoir, en moi-même, dans mon fort intérieur. Et pourtant, j'étais malheureux, vous savez. Je mangeais même pas à ma faim à ce moment-là. Et pas de situation sûre. Ce que je gagnais. C'était garçon de café, un peu. Non, j'étais garçon de café lorsque j'ai été médaillé olympique à Londres. Et quand je suis revenu de Londres avec ma médaille dans la poche, j'ai repris ma veste de garçon de café. Et par la suite, il y a eu un secrétaire d'État, très grand ami, je dirais son nom au passage, qui s'appelait Jacques Hogard, un secrétaire d'État qui était MRP à ce moment-là, qui était maire de Bougie et député de Bougie. Il avait vu sur les journaux, mis mon garçon de café revenant, il dit « c'est pas possible ». Il m'a pris comme huissier pour pouvoir me permettre de m'entraîner l'après-midi. Et même, il faisait mon boulot, lui, l'après-midi, pour me permettre de... Il doit aussi le montant. C'est très bien, mais je le félicite. Mais il n'y a pas longtemps, il était chez moi. Il n'y a pas longtemps, il était chez moi. Tous devraient faire comme ça, d'ailleurs. C'est un brave type, c'est vraiment un ami. Et il s'est battu avec moi en Italie, c'était un officier de Tabor. Alors vous voyez, c'est quelqu'un quand même. Enfin, on revient à votre maladie. Alors, ma maladie, j'étais déjà à l'INS, mais j'étais que moniteur, démonstrateur. C'est-à-dire que je crevais la faim et j'étais même pas titulaire. On pouvait me foutre à la porte du jour au lendemain avec 3 médailles olympiques. Alors que maintenant, avec une petite médaillette, on leur fait un triomphe monumental. Je ne sais pas si c'est bon ou si c'est mauvais. On leur présente les armes. Mais enfin, oui, pire. Enfin, 3 médailles olympiques, tout le monde, les journalistes, c'est foutu, Mimoun, c'est fini. Mais moi, je n'étais pas. Oh, je dis, c'est pas possible. Mimoun, c'est pas fini. Je me disais, moi, je ne disais pas au monde. Mais alors, je voyais que je prenais du poids. Puis un jour, il y a un ami, un supporter, le pauvre, je l'ai perdu aussi. J'avais fait tous les docteurs. C'était fantastique, c'est pas possible. C'était une sciatique que j'avais. Et c'était une sciatique à balancier. C'est la sciatique du coureur à pied, vous savez. Elle me passait d'une jambe à l'autre, rien à faire. Et vous savez qu'avec une sciatique, c'est pas la peine de s'entraîner, c'est pas possible. Je dormais mal, tout ça. Puis le mauvais sang. Et tout seul. Dans un petit 2 pièces cuisine sans lumière. C'est fantastique. Écoutez, franchement, c'est pas que je me plains. C'est pour ça que je remercie le bon Dieu. Parce que j'ai mangé mon pain noir. Et je suis heureux d'avoir mangé mon pain noir. Parce que c'est la meilleure école, ça. Et cet ami me dit, Alain, je sais pas, je sais que tu es croyant. Il me dit, moi, je suis pas tellement croyant que toi. C'était un Normand. Mais Si tu veux, je t'emmène à Lisieux. Voilà, moi. J'avais les larmes aux yeux parce que j'avais déjà entendu parler. Je te dis, c'est pas possible. Ah, je dis, monsieur Mallet, moi, je veux bien. J'avais pas d'argent. Il m'avait payé mon voyage. Il m'a payé à manger là-bas et tout. Vous voyez qu'il y a des bons amis quand même, hein, dans la vie. Et j'ai été là-bas. C'est un pèlerin, le premier contact. Vous savez, il faut comprendre la chose parce que ça arrive pas à tout le monde. Je crois pas. Ça arrive pas à tout le monde. J'ai eu des frissons. J'ai eu comme si j'avais la fièvre, vous voyez, dedans la basilique. M'attendez pas à ça. Vous savez, je suis pas ici pour essayer de convertir, mais Monsieur Chancel, c'est réel ce que je vous dis. Une semaine après, j'avais plus rien. Une semaine après, il me semblait renaître et j'étais guéri. C'est fantastique. J'ai repris là. L'entraînement. Et je vous dirai en passant, puisqu'on enchaîne sur ma femme, l'année de ma maladie, parce que j'avais accompagné, c'était les championnats d'Europe à Berne, et j'avais accompagné l'équipe de France comme capitaine, mais je ne courais pas avec ma sciatique, je ne pouvais pas courir, mais je commandais quand même l'équipe de France. La fédération m'avait invité, comme j'avais rendu beaucoup de services, m'a dit, tu viens avec nous quand même, tu vas voir au championnat d'Europe, tu peux pas courir, qu'est-ce que tu veux, c'est le destin, allez hop, tu viens avec nous. Et là-bas, vous savez qu'il y avait une formation qui s'appelait Peuple Culture, et qui déplaçait des voyageurs, enfin, pour aller voir le... Et dans le groupement de Tulle... Une femme. La Corrèze. C'était un ami à mon beau-père, qui commandait ce groupement. Et il y avait sa fille qui était... dedans, il dit pourquoi, qui était une amie à ma femme, enfin, à ma future femme. Il dit pourquoi t'as. Ma femme n'était jamais sortie de sous les jupons de sa mère, c'était la première fois. Il dit, mon beau-père, il dit, tu crois que je vais. Il dit, dis donc, avec ma fille, tu peux. Au moins, elle fait un voyage une fois, tout ça. Ah oui, il embarque avec le voyage. Et à Berne, Peuple Culture est venu m'inviter comme invité d'honneur à un gala et à un repas. Et vous voyez le destin encore. Si je courais, Mimoun courant, il aurait refusé l'invitation. Ne courant pas, je me suis dit, bon, mais ces gens-là sont gentils, je vais accepter. Et je vais là-bas au repas. Et au cours du repas, il y a une jeune fille, c'était la copine, Michel, peut-être qu'elle m'entend, elle est mariée avec un professeur. Elle est venue me signer un autographe. Alors je signe un autographe comme ça, sympathique, etc. Et puis elle va et puis elle revient avec un autre papier. Vous voulez pas me signer pour mon ami qui est là-bas? Puis moi, je regarde, je vois la jeune fille qui est au fond, là-bas. Oh, je dis, elle n'a qu'à se déplacer, hein. Elle peut se déplacer comme vous. Ah, galant. Vous voyez, galant. Et non, oui, mais je mets ça sur le compte du destin. Vous comprenez, ces gens, c'est pour ça. Je mets ça sur le compte. Mais c'est en rigolant. Elle avait compris, elle. Ouais, rigolard, elle a compris. Elle me dit, non, vous savez, elle est timide et tout ça. Oh, mais je dis aussi, vous savez, je vous dis ça pour rire. Hein. Je lui signe son autographe et puis je dis, après, non, pas tout de suite. Après le repas, tout ça, on était en train de bavarder. Et je lui dis, dites si ça vous dit quelque chose. Moi qui étais timide, oh là là, je dis si ça vous dit quelque chose. C'est la fin des championnats d'Europe, c'est le grand bal international. Je vous invite toutes les deux. Alors elle va voir et ça arrange. D'accord. Et voilà où j'ai connu ma femme, enfin ma future femme, au grand bal des championnats d'Europe. Oh là, j'ai pensé à elle. Et bien justement, vous voyez, même en allant à la Sainte-Thérèse, j'ai pensé à elle. Vous voyez, j'ai pensé à cette fille-là. Et j'attaque la saison internationale de 1955. Mon premier match international, France-Angleterre à Bordeaux. Oh, malheur, moi j'avais peur. Les Anglais sont terribles. Et moi, c'était comme un débutant. Comme j'étais malade et tout ça. C'était le grand retour. C'était le grand retour, c'était un débutant. Oh, j'avais peur. Oh, je tremblais. Mais j'étais content quand même. Je suis guéri, ça fait rien. Même si je suis 2 kilos au-dessus de la limite. Hein, vous voyez, ça fait rien. Je reviendrai quand même. L'essentiel, c'est de courir et de représenter. Parce qu'à ce moment-là, vous voyez les rigolos maintenant. À ce moment-là, moi, c'était le drapeau. Vous voyez, c'est ça, c'est tout. Mimoun ne représente pas Mimoun. Mimoun, qu'est-ce que c'est? C'est un moustique. C'était la France, c'était le pays. C'est pour ça que je n'ai pas hésité. Pendant 10 ans, M. Chancel, j'ai doublé. 5 000, 10 000. Je courais le 5 000 le samedi, le 10 000 le lendemain. Et volontaire, on ne me le demandait même pas. Des fois même, j'allais réveiller le directeur de l'athlétisme national la nuit pour lui dire, monsieur, c'était Mourlan à ce moment-là. Monsieur Mourlan, vous me permettez de recourir le 10 000? Oh là, vous savez, Monsieur Mourlan, il dit, tu es fou, mon petit, mais il y a le titulaire, là, tu es fatigué. Monsieur Mourlan, faites-moi plaisir, je suis sûr. Et je courais le 10 000. J'ai gagné la France a gagné France-Finlande avec un point, je me rappelle.

et fuir devant vous une dernière fois la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui leur dit je t'attends. Qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui nous attend. Pour ceux qui prendraient l'émission maintenant, je rappelle que mon invité aujourd'hui est Alain Mimon. Tout à l'heure, je disais que c'était un champion. Il m'a fait observer très justement qu'il était un homme. Vous avez, Alain Mimon, l'amour, l'amitié, la fierté, l'honnêteté. Mais je sais que ce n'est pas dans les livres que vous avez appris ces grands sentiments. C'est l'expérience de la vie. Et à l'instant, vous venez de choisir ce disque de Jacques Brel, Les Vieux. C'est encore un hommage. Et j'aime cette chanson parce qu'elle me donne souvent les larmes aux yeux, parce que je pense bien à mon père, à ma mère. Même quand j'ai été décoré par M. le Président Pompidou, la police a été la félicité et tout ça. Ils sont très contents, ça aime beaucoup. Les Algériens, ils m'ont jamais fait d'ennui. Ils sont fiers de vous, je crois. Je vous dirais qu'ils sont aussi fiers que les vrais Français. Alain Mimoun, nous parlions tout à l'heure de 1956. Vous disiez, vous, c'est le grand cru. En fait, c'est le triomphe de votre femme. C'est le triomphe. C'est le grand cru. C'est l'année où je me suis marié. C'est l'année où j'ai enlevé mon 4e crosse des nations. C'est l'année où le président Coty m'a fait chevalier de la Légion d'honneur. Et vous êtes officier maintenant? Oui. C'est l'année où j'ai battu le record de France de l'heure, de 20 km. C'est l'année où j'ai eu la naissance de ma fille. Et le lendemain, champion olympique. Tout à la fois. Tout à la fois. Vous voyez, c'est une année grand cru, alors. Est-ce que parfois vous rêvez la nuit de cette arrivée à Melbourne? Je rêve jamais à Melbourne, mais je pense souvent. Et quand je revois le film, je pleure tout le temps. Je pleure tout le temps. Et je pleure surtout. Je pense à mon ami Eskenazi, parce que, vous savez, j'ai été le voir l'autre jour. Il m'avait invité un repas campagnard. Faisait ses adieux. Parce que sur son livre, il a dit que c'était sur 40 ans de carrière, c'était la plus belle Marseillaise de sa carrière. Alors vous savez ça, on ne peut pas oublier ça. Et chaque fois, j'ai ma petite larme. Vous y pensez parce que c'était dur? Vous ne pensiez pas arriver au bout? C'était dur, et puis quand je vois les images, vous savez, c'était terrible. On aurait cru Jésus-Christ sur la croix, vous savez, c'est formidable. Un marathon, c'est effroyable. C'est terrible, surtout par 36 à l'ombre. Vous savez, j'ai perdu 4 kilos en course. Vous vous êtes insulté pendant la course? Je peux pas, c'est dommage qu'il n'y a pas le temps, parce que je vous raconterai la course. C'était terrible. Au 31e kilomètre, quand j'ai reçu le coup de masse. Et puis, il me semblait faire des foulées de 20 centimètres. Et puis, je me disais, c'est pas possible. Tu vas pas arrêter là. Mais tu te rends compte? Mais je ne me retournais pas. J'avais peur de me retourner, de me décourager, vous savez. Même j'ai vu des mirages. Il y avait un pont en dessous qui était à 12 km et l'autre à 1 km. J'ai pris celui qui était à 12 km pour celui qui était à 1 km. Et je me disais, ça y est, je suis champion olympique. Mais quand je suis passé sous le pont et que j'ai vu qu'il y avait une côte qui faisait 2 km, oh malheur, là, c'était terrible. Eh bien là, je m'insultais. Salaud, tu n'es pas arrivé jusque-là. Mais dans les côtes, tu es plus fort qu'eux. Et après les descentes, mais tu es plus fort qu'eux dans les descentes. Jusqu'au moment que la défaillance s'est passée et puis ça a commencé à rouler comme... Et puis ça a été l'ovation, là, c'était l'arrivée au stade. Puis je voyais le mât olympique qui était tout près, là. Genre, je sentais ce parfum. On sent un parfum. Il y a un parfum. C'est le parfum du bonheur. Le parfum de la victoire, du bonheur, de tout ce que vous voulez. C'était fantastique. Et dans votre générosité, vous pensiez quand même à Zatopek, qui lui était 6e. Oui, je croyais qu'il était 2e. Je ne me retournais pas. J'ai dit, c'est mon ami qui est 2e, c'est pas possible. Et je me suis retourné une seule fois, c'est dans le stade, quand j'ai entamé le sprint, vous voyez. Et parce que des fois, il y a des gens qui sont battus sur le stade, vous savez, au marathon. Hein. Il me semblait m'envoler, pas toucher le sol. C'était fantastique de couper ce fil. Un vrai Dieu. Pas un Dieu, il n'y a qu'un bon Dieu, c'est Chancel. Mais un fils de Dieu. Fils de Dieu. Votre aventure vous paraît tout à fait simple. Oui, pour moi, elle est simple parce qu'elle est naturelle. Là, ça n'a pas été fabriqué. Je n'ai pas été un athlète préfabriqué, vous savez, comme les HLM, là, comme on fait maintenant. Ça a été bâti, je m'excuse, sans aucune prétention. Comme les maisons anciennes, ça a été battu avec des bonnes fondations. Pierre à pierre. Pierre à pierre, très longtemps. très longtemps. Et c'est pour ça peut-être que je dure longtemps, peut-être. Vous voudriez durer plus longtemps encore ? Non, mais je veux durer, pas à la prétention de champion, mais je suis peut-être plus fier de la deuxième carrière, qui est celle de propagandiste. Je suis autant, sinon plus fier que pour ma carrière de champion, vous voyez. Parce qu'aujourd'hui, il faut le préciser, Alain Mimoun, vous êtes conseiller sportif national. Alors, qu'est-ce que c'est, ce titre ? Titre, c'est le... Honorifique ou glorieux ? Ah non, c'est un titre, c'est ma citation sociale. C'est le poste le plus important dans l'éducation physique, vous voyez. Je voulais que vous le disiez. Oui, je m'excuse, je vous remercie. C'est encore l'enchaînement. Oui, c'est un poste qu'il faut préciser, rendre à César ce qui appartient à César. C'est le président Coty qui a créé mon poste. Parce que je ne pouvais, c'est pas un poste par les écoles. Vous pensez que les écoles, les syndicats, on ne pouvait pas me nommer professeur. Un titre olympique, ça ne vaut pas un diplôme, vous comprenez ? Oh, c'était fantastique ! Vous avez, Alain Mimoun, un palmarès prestigieux. Mais est-ce que vous en êtes un peu vaniteux de ce palmarès ? Mais non, il faut pas être vaniteux. C'est pas possible d'être vaniteux. Vous savez, être champion, moi, pour moi, être ce que je suis, c'est parce que j'étais destiné à être ce que je suis. Dans le ventre. Et c'est même pas moi qu'il faut féliciter. C'est ma mère qu'il faut féliciter. Et Dieu. Mais c'est surtout la maman. Quand il y a un grand crack, un cheval de course qui gagne des grandes courses mixtes, c'est la jument qui l'a fait. C'est pas lui. Aujourd'hui encore, votre mère doit être merveilleusement fière de vous. Mais ma mère, c'est une reine. Parce que, vous savez, je recommence l'histoire de tout à l'heure. J'ai pas été instituteur. Et bien, quand j'ai été à la guerre, elle s'est dit, va devenir officier. Vous l'êtes, officier de la Légion d'honneur ? Mes chers amis, je ne suis pas devenu officier, mais elle était contente, j'étais pas mort. J'étais que caporal. Elle s'est dit, mince, oh, c'est pas possible, c'est pas encore là. Mais c'est après. Alors, quand j'étais champion olympique, là, elle s'est dit, voilà mon rêve. La lune qu'elle a ramassée. Le rêve s'est réalisé. Et vous avez même rencontré le général de Gaulle. Monsieur Chancel, je vous dirai, j'ai deux records, je m'excuse. Tout le monde sait que je ne suis pas prétentieux. J'ai des records qui sont quasiment imbattables, ou presque. 4 médailles olympiques. 1. 4 fois le cross des nations. 2. 32 fois champion de France. 3. 86 fois international. 4. Et le plus grand record, c'est reçu par 4 présidents de la République. 5. 5. Président Auriol, président Coty, le grand de Gaulle, le président Pompidou. Vous avez tout de suite fait votre choix, vous avez dit le grand de Gaulle. Oui, parce que de Gaulle, moi qui, je dis pas j'adore, on adore que Dieu, moi qui aime la France, de Gaulle pour moi, c'est le plus digne de tous. C'est le plus grand fils de ce pays. Comme Jésus-Christ est à la religion, de Gaulle est à la France. Et oui, Jésus-Christ, on l'a crucifié. Pourquoi ? Parce que on était jaloux. On voyait que c'était un monsieur qui disait la vérité. Il fallait pas. Il l'a dit. Le général de Gaulle, c'était pareil. Et c'est ce qui me peine le plus et qui m'a le plus peiné dans ma deuxième vie. C'est ce qui m'a le plus peiné. Quand je vois ces Chinois comme qui sont pour Mao, qui est un grand bonhomme, j'aurais souhaité que les Français, que les petits Français, soit éduqué pour être avec le général de Gaulle comme les Chinois pour Mao. Vous savez, ça aurait été mon plus grand rêve. Parce qu'il était la France pour vous. C'était le monument, c'était la France. C'était le seul représentant de moi, je dirais même, depuis que la France existe. Enfin, vous regardez l'avenir ? Je regarde l'avenir. Parce que vous allez faire de la peine à Pompidou avec ce que vous dites, parce qu'il existe encore, lui, il est toujours président de la République. Le président Pompidou, c'est un grand chef, et je vous dirais même, c'est un grand ami à moi. Et le plus grand plaisir pour moi, c'est qu'il ne dévie pas. Voyez. Parce que vous avez votre idée. Hein. J'ai mon idée. Il ne dévie pas. Ah, s'il venait à dévier, je suis comme un pauvre petit citoyen, mais je ne serais pas content. Si on n'a pas votre idée, Alain Mimoun n'en est pas votre copain. Hein. Et non. Ah non. C'est du chauvinisme, du sectarisme. Non, mais pas partout dans la vie, mais à ce point de vue-là, je suis comme ça, voyez. Alain Mimoun, je voudrais vous rappeler quelque chose quand même, et peut-être vous poser une question qui me paraît importante. Les athlètes français, après les Jeux, et même avant les Jeux, sont pleins de Vittel, de la ville de Vittel. Alors, Comment se fait-il qu'il n'y ait jamais eu de stage chez vous? Et je précise, Alain Mimoun, que vous avez un centre sportif à Buja. Je précise encore, Buja en Corrèze. Alors pourquoi ne sont-ils pas venus chez vous? Voyez-vous, Monsieur Chancel, je vous dirai ça en vitesse parce que le temps passe. Oh, ben vous savez, vous pouvez le dire très vite. Moi, je m'étonne. Mon rêve. J'ai été deux fois à Volodolène, ce centre sportif suédois. J'ai été deux fois. J'ai été émerveillé. Et je n'étais pas encore champion olympique. Et mon rêve, à ce moment-là, j'ai eu le virus, c'est de créer quelque chose en France qui ressemble un petit peu, ou au mieux, à Volodolène. Quand je suis revenu au champion olympique, l'idée m'est revenue. Je dis, tiens, voilà, champion olympique, Mimoun, maintenant, tu peux t'intéresser à quelque chose, tu peux créer quelque chose, tu peux laisser, même une fois mort, tu laisses quelque chose pour la jeunesse. Et j'ai entamé la chose avec M. Herzog. Ça ne marchait pas. Il était parti. Il était favorable, mais il était parti. M. Missoff, très gentil, favorable, il avait pas d'argent. Un jour, j'étais en Allemagne. Le soir, quand je reviens, ma femme, je ne pensais plus du tout à ça. Ma femme me dit, il y a un monsieur qui t'a appelé de Matignon. J'ai dit, Matignon? Pour rigoler, je dis, c'est pas Pompidou? Elle me dit, non, t'es fou. Il me dit, c'est un monsieur qui a l'air très correct. Ce soir, il va t'appeler à 20h. À 20h pile, une voix m'appelle. Monsieur Mimoun, je suis content de vous entendre. Je suis un Corrézien. Écoutez, j'ai vu un article sur la Corrèze, sur vos idées. Je suis très favorable. Je suis un fils de la Corrèze. Je voudrais faire votre connaissance. J'ai un rendez-vous le lendemain, tout de suite. J'arrive. Je croyais avoir affaire à un vieux type, un truc comme ça. J'arrive, je rentre dans le bureau. Un beau gars, un grand, il se lève. Et vous savez, il écarte les mains comme le général de Gaulle, comme ça, et puis il m'accueille. Ah, j'étais heureux. J'ai dit, celui-là, qu'est-ce que c'est? Alors il m'explique. Il me dit, Monsieur Mimoun, moi je suis seulement conseiller au cabinet de Monsieur Pompidou, mais je m'intéresse beaucoup à votre idée. Écoutez, dès demain, on va demander audience à Monsieur Missoff. Lendemain, on va voir Monsieur Missoff et on lui explique. Et vous avez fait votre sang. Et Monsieur Missoff, c'est le premier qui m'a. Vous voyez, c'est un truc fabriqué de tout. Bon, ce cercle sportif, ce centre sportif, vous l'avez. Alors pourquoi les athlètes français ne sont pas venus mais chez vous? Mais laissez-moi vous dire. Mais vous avez qu'une minute. Oui, le grand patron quand même. Eh bien, vous savez qui c'était ce monsieur? C'était Jacques Chirac, qui est ministre de l'Agriculture actuellement. Ah oui, il fallait le dire. Vous comprenez? Ouais, il fallait que je le dise. Hein, parce que c'est lui le père quand même. Et c'est avec la complicité de ce monsieur qu'au bout de 4-5 ans, en ramassant de l'argent de... Vous avez fait un centre sportif. J'ai fait un centre sportif, magnifique, une station climatique, 700 mètres d'altitude, la forêt. Vous savez, c'est près du plateau de Mille Vaches. Hein. Vous voyez, c'est très joli. J'ai une piste olympique en rupe-corps, vestiaire, etc. L'accueil est fait par les maisons familiales des châles. Alors pourquoi les athlètes ne sont pas venus? Vous savez pourquoi? Parce que c'est le visage du pays. On va dans un endroit où on sert de publicité. Pourquoi cette publicité vous donne de l'argent? Mais moi, je ne peux pas leur donner de l'argent. Je leur prépare quelque chose dans un beau site. L'air pur. Parce que vous êtes un amateur. Et voilà, monsieur. Merci, Alain Mimoun.